Le Comité national nigérian d'études du kimilsonisme et du kim-jong-unisme a présenté dans son page d'internet un article qui dit notamment « La Corée, qui était autrefois un petit pays faible et colonisé, manifeste aujourd'hui dans le monde son prestige en tant que puissance politique, idéologique et militaire que personne n'ose toucher. Le secret de toutes les victoires obtenues en Corée est dû à la direction continue du leader éminent et à la ferme union de l'armée du peuple autour de son dirigeant.